Selon les dépêches, les Sud-Coréens ont effectué le 31 décembre 2016 sur toute l'étendue du pays, comme Séoul, Changwon de la province du Gyeongsang du Sud et Jeonju de la province du Jeolla du Nord, la 10e action pan-nationale pour juger la bande traîtresse de Park Geun-hye, sous les auspices de l'action populaire extraordinaire pour la démission du pouvoir de Park Geun-hye. Y ont participé plus d'1 104 000 personnes. Les organisations et les citadins de divers paliers de Séoul ont fixé le thème de cette lutte, chasser Park Geun-hye et saluer la nouvelle année. Ils ont livré diverses activités pour la démission complète du pouvoir de Park Geun-hye sur la place de Gwanghwamun et de ses environs avant le rassemblement à la bougie. Les participants ont exigé la démission de Park Geun-hye et de Fang Yeo-han, l'abolition de la mesure de contrôle d'État des manuels d'histoire. Après le rassemblement à la bougie, ils ont fait la marche jusqu'à 100 mètres devant la Maison Bleue, du siège du Premier ministre et de la Cour constitutionnelle.